لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فنحمد الله جل وعلا الذي وفقنا لهذا اللقاء فنشكره ونحمده جل جلاله ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد كما نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا على الدين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد فشكر الله لأخينا الشيخ الأقدار حفظه الله لهذه الكلمة الطيبة النفيسة ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته فهذا الكلام الذي سمعنا هو كلام عظيم في جهود أئمة السنة لحفظ هذا الدين فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في هذا الكلام وفي هذا القول وفي هذه المذاكرة من خلال هذه الدقائق المعدودة Donc on va commencer, Inch'Allah, donc le sujet de cette assise. On va essayer à travers ces minutes bien comptées, donc il nous reste une petite demi-heure, Inch'Allah, pour parler de cette histoire, de l'histoire de la rédaction et de l'écriture du hadith, de la sunnah du prophète, alayhi salat wa salam. Et ça convient avec le sujet de notre frère, de Cheikh Al-Akhdar, hafidhahullah, qui nous a parlé de ce sujet immense et qui nous a parlé des efforts des grands imams de cette communauté pour la préservation et la protection de cette religion. فَنَحْنُ فِي نِعْمَةٍ عَظِيمًا On vit dans un grand bien. نِعْمَةَ الْإِسْلَامِ نِعْمَةَ الْإِيمَانِ نِعْمَةَ الْإِسْتِقَامَةِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى حَبَّبَ إِلَيْنَا الْإِيمَانِ وَحَبَّبَ إِلَيْنَا الْإِسْلَامِ وَحَبَّبَ إِلَيْنَا هَذَا الدِّينِ فَنَحْنُ فِي نِعْمَةٍ عَظِيمًا فَنَشْكُرُ اللَّهَ جل وعلا ونسأله المزيد المزيد على ذلك et nous sommes dans un grand bien dans un bien immense qu'Allah جل وعلا nous a guidé dans le droit chemin وخاصة في هذا الزمان في آخر الزمان فنسأله جل وعلا أن يثبتنا على هذا الدين ونسأله حسن الخاتمة et on demande aussi à Allah جل وعلا comme il nous a guidé dans la droiture de nous faire mourir et quitter ce monde dans la droiture. Parmi les choses importantes pour le musulman, c'est de comprendre ce patrimoine scientifique que nous ont laissé les grands imams de cette communauté, les efforts qu'ils ont faits pour préserver justement cette religion. Et comme vous savez, dans le Coran, Allah Jalla wa Ala nous a informé en ce qui concerne la préservation et la protection de sa religion, lorsqu'il nous dit Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certes, il dit Nous avons fait descendre le rappel et pour celui-ci, lahafidhun. C'est-à-dire qu'il y aura des protecteurs. Et al-dhikr, qui est mentionné dans ce verset, alors la majorité des exégètes, des commentateurs, ceux qui ont expliqué le Coran, et commenter le Coran, on dit « al-dhikr » ou « al-Qur'an » que ce « dhikr » ce rappel, une traduction littérale, qui était protégé, c'est le Coran, cité dans le verset. Et certains ont dit « c'est al-Qur'an ou al-Sunnah » que c'est le Coran et la Sunnah aussi. « Wa inda ba'dihim huwa al-Qur'an ou al-Sunnah ou al-Islam » ou « al-Qur'an » والسنه والاسلام et chez beaucoup de savants aussi ils ont commenté en disant que الذكر في هذه الايه c'est le Coran, la Sunna ou l'Islam. Et l'Islam. Donc, on comprend, à travers ce verset qui est immense, c'est que Allah Jalla wa Ala akhbarana bi hifdhi ad-din. Wa hada al-hifdh wa hifdhun kawni. Donc ça, c'est une protection dont Allah Jalla wa Ala nous a informé. Et cette protection, les savants nous disent, c'est une protection universelle. Donc ces mots qu'on est en train d'expliquer, c'est des passages, c'est une conférence qu'a dispensée un grand savant contemporain, qui est Cheikh Saleh Al-Sheikh, que j'ai repris certains passages de cette conférence et que je vous traduis, Inch'Allah, c'est une très belle conférence où il va nous parler de Tadwin Al-Hadith, de l'histoire de la rédaction de la sunna du prophète et des hadiths du messager d'Allah et des efforts des grands imams de l'époque des compagnons jusqu'à les générations qui leur ont succédé. Et cette conférence, pour ceux qui veulent s'y référer, donc c'est une conférence où il va parler de la rédaction de l'authentique de Al-Bukhari, où il va parler de Al-Bukhari wa Al-Qira'at Al-Mu'athara et des différentes lectures contemporaines, pour ceux qui veulent se référer à cette muhadara qui est très pertinente, qui est une muhadara qui est immense. Et donc, parmi les choses qu'il dit, donc il dit Allah Jalla wa Ala nous a informé qu'il a protégé cette religion, comme on a dit tout à l'heure, dhikr, huna, c'est donc Al-Qur'an, wa Sunna, wa l'Islam, d'une protection universelle. Bil-hifdhi al-kawni, kama qal. Wa lihada dhikr, wa l-hifdhu naw'an. Et il dit, al-hifdhu naw'an. Pourquoi? Parce que la protection, il y a deux catégories, deux formes de protection. Et il dit, al-hifdh al-kawni, bi-an yuhfadh bi-amrillahi al-kawni. Donc, cette première protection, c'est une protection qu'on appelle une protection universelle. Du fait qu'il soit, qu'une chose soit protégée d'Allah Jalla wa Ala, d'une protection universelle, traduction relative. Matsani, et la deuxième catégorie de protection, la deuxième forme, c'est Hivdun Shara'i. C'est une protection légiférée religieuse. Wa mukhatabun bihi man amana bil Qur'an wa amana bis Sunnah an yahfadhuhu qalban aw kitabatan wa an yahfadhuhu min at-taghyir wa at-tabdil wa at-tazyif wa lidhalika kullu ihtimam ihtamma bihi ahlu al-'ilm fi al-Qur'an wa al-qira'at wa jam'ihi fa kullu ihtimam ihtamma bihi ahlu al-'ilm fi al-Qur'an wa al-qira'at وجمعه وكتابته كله امتثال شرعي لقول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والنبي صلى الله عليه وسلم حث صحابته على الحفظ وحفظ الحديث مع القرآن وحفظ ما يقول صلى الله عليه ما يقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متنوعة ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه من إلى آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم لمن في وصف من سمع أحاديثه قال سمعها فأداها كما سمع فسمعها فأداها كما سمع فلذلك فالصحابة حفظوا ما سمعوا فالصحابة كما هو معلوم فقد حفظوا ما سمعوا حتى حفظ الصحابة كما وصف كان دقيق فكان من الصحابة مكثرون من الأحاديث وترداده وحفظه ومعرفة معانيها فمنهم من هؤلاء الصحابة الذين حفظوا أحاديث وسنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكذلك أبو هريرة كما هو معلوم وكذلك عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأبو هريرة على سبيل المثال منذ أسلم لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا فقد دعا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يحفظ ولا ينسى فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يحفظ ولا ينسى ومن هؤلاء عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان عنده كتابات فهؤلاء مكثرون فحفظوا ونقلوا وكل الصحابة كل بحسبه حفظ ونقل نقل منهم من كان اهتم بالزرع مثلا فحفظ ما يتعلق به ومنهم من اهتم بالقرآن فحفظ ما يتعلق بالكتاب مثلا ومنهم من اهتم بالآخرة فحفظ ما يتعلق بالآخرة والجنة والنار وهكذا ولهذا تنوعت الاهتمامات فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مثلا فحفظ الصحابة حفظ متيقن فحفظ الصحابة حفظ متيقن لا يخرب منه شيء Donc dans cette allocution ensuite, le chien nous explique donc, après nous avoir bien expliqué ces deux formes de protection, donc la protection universelle et la protection religieuse, alors on a compris premièrement que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé son livre, sa religion, d'une protection universelle. La protection religieuse ensuite, lorsqu'on a parlé de al-hifz al-shar'i, la protection religieuse, ici le shir nous explique que elle s'adresse à ceux qui ont cru en ce livre, qui ont cru en la sunna du messager d'Allah, qu'il la préserve. Et que cette préservation soit aussi bien dans les cœurs, aussi bien par l'écriture. يعني قلبا أو كتابة أن يحفظوه qu'il protège cela. Qu'il protège cela de quoi? Qu'il protège cela de quoi? من التغيير والتبديل. Qu'il protège cela de toute falsification. Qu'il protège cela de tout changement. Cette protection rentre dans la protection, ce qu'on appelle حفظ الشرعي. حفظ الشرعي. طيب. ثم قال. ولذلك il dit. Tous ceux qui ont pris soin et ont le souci justement de préserver cela parmi les gens de science, parmi les savants de notre communauté, que ce soit ceux qui se sont consacrés à préserver le livre du Seigneur, sa lecture, sa récitation, ou bien ceux qui ont été attentifs à écrire, mémoriser, compiler les récits et les traditions de notre prophète, alayhi salat wa salam, ils rentrent, sont inclus dans cette soumission du Seigneur et cet ordre qui était de fait de préserver cette religion. وهذا كلام عظيم. Et donc il rentre dans le verset. Où Allah Jalla wa Ala nous mentionne, certes, lorsqu'il dit وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. Ensuite, Cheikh nous dit, pour cela le prophète à son époque, ce qu'il faut savoir, le prophète à son époque, il encourageait et incitait les compagnons à mémoriser sa tradition. Sauf qu'au départ, le prophète, alayhi salatu wassalam, leur avait interdit d'écrire. Pourquoi ? parce qu'il y avait la révélation qui descendait au prophète alayhi salat wa salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas que ces hadiths, ces paroles se mélangent avec le Coran, avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, dans un premier temps, le prophète alayhi salat wa sallam avait interdit l'écriture de sa sunna, de ses paroles, de ses faits et de ses gestes, pour pas que cela soit confondu et se mélange avec le Coran et la parole du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors, cela a généré le fait que les compagnons alors mémorisaient. Et sachez que ce qu'ils mémorisaient, c'était d'une mémorisation minutieuse et précise. Et précise. Alors, les savants nous enseignent que certains compagnons, alors, et parmi eux, vous savez qu'il y a des compagnons qui se sont distingués par rapport à d'autres, du fait qu'ils ont vraiment mémorisé. Comme l'une des épouses, par exemple, parmi les épouses du prophète, ça s'appelle Aïcha, elle s'est distinguée du fait qu'elle était d'un jeune âge et elle a pu mémoriser de nombreux hadiths. C'est pour ça que c'est la femme qui a rapporté le plus de traditions et de hadiths du prophète, alayhi salatu wa salam. Parmi ses compagnons qui se sont distingués, par exemple, Anas ibn Malik, qui depuis très jeune était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça a été la cause du fait qu'il a pu entendre beaucoup de choses et vivre beaucoup de choses avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Donc il a commencé à mémoriser, à apprendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme c'est le cas aussi parmi les compagnons qui se sont distingués, Abdallah ibn Amr ibn al-As, qui s'est distingué aussi. Donc lui-même était compagnon, fils de compagnon. Il y a eu Abu Huraira, par exemple, qui est Abu Huraira et le compagnon qui a rapporté le plus de traditions du prophète, alayhi salatu wa salam. Et depuis sa conversion, il n'a jamais quitté le prophète, alayhi salatu wa salam. Il n'a fait que mémoriser, et avant de mémoriser, il observait minutieusement le prophète, alayhi salatu wa salam. Il écoutait les paroles du prophète, alayhi salam. Lui, son but, c'était d'apprendre et de mémoriser. Les frères comprenaient très bien cela. Ce n'est pas en vain qu'on l'explique. Pour que, lorsque vous ouvrez des livres, lorsque vous entendez des hadiths, lorsque vous lisez des hadiths, lorsque vous mémorisez des hadiths, sachez que ce que vous mémorisez, ce que vous lisez, ces livres que vous lisez comme l'authentique de Al-Bukhari, de Muslim, c'est un travail immense qu'il y a derrière. Il y a un tawfiq, une réussite, un succès qui a été donné de la part de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est shay'a, ajib, wa azim, ces livres-là. Mais vous allez comprendre, bi'idhnillah, comment cela s'est formé. Ça, c'est très important. Et sachez tellement que c'est un succès, ce qui s'est fait, tellement que c'est quelque chose d'immense, il y a même des intellectuels, des grands penseurs de d'autres nations qui ont été éblouis et stupéfaits de cet exploit. Il y a par exemple, il y a le témoignage d'un savant allemand, c'était un intellectuel allemand, qui a beaucoup lu les livres de hadith et les œuvres de grands savants du hadith comme les œuvres d'Ibn Hajar al-Asqalani et d'autres. Et lui, cet intellectuel qui était célèbre, un savant allemand, un intellectuel allemand, après sa lecture et son observation de ses livres, istagraba wa ta'ajjab, il s'est étonné. Regardez ce qu'il dit. Il dit, lorsqu'il souligne l'exploit sans précédent dans le domaine de l'historiographie chez les musulmans, il dit que c'est un exploit. Il écrit, la gloire de la littérature chez les musulmans réside dans sa biographie littéraire. Il dit que ça, c'est une gloire. Elle réside où? Dans sa biographie littéraire. Il n'existe aucun peuple. C'est ce qu'il dit, cet intellectuel allemand. Il dit, il n'existe aucun peuple qui connut, ou bien qui, comme eux, a pendant 12 siècles rédiger les récits de la vie de chaque homme de lettres de leur communauté. Regardez ce témoignage-là. On revient à notre sujet. Donc sachez, à l'époque donc du prophète, sallam, les compagnons observaient le prophète. Et ils mémorisaient. Alors, le shir ici nous explique une belle faïda. Il dit, certains compagnons, eux par exemple, qui s'intéressaient par exemple à Zara, par exemple à l'agriculture, eh ben, ils apprenaient tous les hadiths du prophète sans même lier à ce domaine. Certains compagnons par exemple, qui eux s'intéressaient au domaine du Coran, ils apprenaient tous les hadiths, mémorisaient tout ce qui était lié au domaine du Coran. D'autres compagnons qui eux s'intéressaient au domaine par exemple de l'au-delà, du paradis, de l'enfer, ils mémorisaient tout de ce qui était lié au domaine du paradis et de l'enfer. Pour cela, certains compagnons se sont distingués par rapport à certains domaines. Et pour cela, ce qui nous prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam incitait les compagnons à mémoriser ces hadiths, le prophète dans un récit, regardez ce qu'il dit. Il dit qu'Allah embellisse le visage de qui, ayant entendu ma parole, la conserve dans son cœur, puis la transmet à d'autres. Donc le prophète a fait l'éloge. À l'époque, il incitait donc ses compagnons à mémoriser. Sauf qu'au départ, comme on a dit précédemment, il leur interdisait d'écrire pour pas que ça se mélange avec la révélation. Et donc il y a de nombreux récits hein, qui sont divers, de nombreux récits qui exhortent à mémoriser, où le prophète dit qu'Allah embellisse le visage de celui justement qui, ayant entendu ma parole, il dit, alors va la mémoriser, la conserver dans son cœur, puis il va la transmettre comme il l'a entendu. Pour cela, dans d'autres versions du récit, il est dit, il l'a entendu et il va la transmettre comme il l'a entendu. Donc l'ordre pour les compagnons était clair. Il fallait transmettre ce qu'ils ont entendu comme ils l'ont entendu. C'est pour cela qu'ensuite, ça ne va pas exclure le fait qu'on aura des écrits de compagnons déjà. Ça va commencer. Certains, ils ont stipulé, vous allez trouver dans des prétentions dans certains livres, de contemporains qui disent oui, l'écriture de hadith a débuté après ou à l'époque de l'empire et de la dynastie abbasside. Inda al-dawlat al-abbasiyin ou dawlat al-abbasiyin. Et ça c'est faux. On a commencé à avoir des écrits qui compilaient des récits ou des hadiths du prophète en somme étaient écrits. On appelle ça as-sahaif, fi-suhuf. Déjà à l'époque des compagnons. Premièrement. Donc déjà, certains compagnons avaient conservé certains écrits. Sauf que, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, alors là, les compagnons vont commencer à enseigner ce qu'ils ont mémorisé du prophète, alayhi salat wa sallam. Et attention, comme on a dit, c'est une mémorisation minutieuse, ce qu'ils ont mémorisé les compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam. Donc ils vont commencer à transmettre. ولذلك البحوث دلت على ان السلف من الصحابه والتابعين وتابع التابعين في الطبقه الاولى والثانيه والثالثه كانوا ما بين حافظين وكاتبين وما بين حافظين ثم يكتب ثم يؤدي يسمع الناس وينقل لهم ويروي لهم الحديث لماذا نركز على الحفظ والكتابة وسيجيب على هذا السؤال. C'est pour cela qu'il dit que lorsqu'on observe les premières générations, la génération de ses vieux prédécesseurs dans notre communauté, qui sont la génération des compagnons, de leurs successeurs et des successeurs des successeurs. La première, deuxième, troisième, kanu ma bayna hafidhin. Parmi eux, il y avait donc ceux qui mémorisaient et il y avait ceux qui écrivaient. Et ceux qui mémorisaient et écrivaient. Alors, Shir dit pourquoi nous rakiz ? Pourquoi on insiste sur ce fait de parler de la mémorisation et de l'écriture ? Pourquoi ? Parce qu'il dit beaucoup de contemporains qui n'ont pas de connaissances sur le sujet, eh ben se trompent. Parce qu'ils n'ont pas connaissance minutieuse du sujet. Et vous allez voir dans ce qui va suivre que c'est très très minutieux et subtil. Il dit يقولون أن الرواية لا تكتب إلا كما قلنا إلا في عهد العباسيين وهذا غلط. Et comme on a dit précédemment, donc ils ont dit que en réalité tout ça, ça s'est écrit à l'époque de l'Empire Abbaside. Et dit وهذه شبهة. C'est une ambiguïté qui est fausse. Et ça, ça prouve qu'ils n'ont pas de connaissances réelles sur le sujet. Il dit, en réalité, comme on a dit précédemment, donc on a dit que ensuite, à l'époque des compagnons, sachez qu'il y a eu les compagnons et il y a eu les enfants des compagnons. Il ne faut pas oublier cette ère, que les compagnons ont mémorisé, ont servi cette religion et il ne faut pas oublier qu'il y a eu leurs enfants. Les fils, par exemple, les enfants des compagnons du prophète. Certains sont célèbres, comme vous allez voir dans ce qui va suivre. Et ça, on retrouve ça dans les livres de biographie. Taïb. À l'époque, après, on a l'ère des compagnons. Donc on a dit, déjà, il y avait des suhuf, sahaif. Il y avait déjà des registres. Où il y avait déjà des récits qui ont été écrits. Mais c'est après que là il va y avoir des écrits célèbres. Des gens qui ont pris directement des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui vont transmettre justement ce qu'ils ont entendu de ces compagnons. Et donc ça va être très tôt rédigé. Et là on est qu'au premier siècle. On est déjà dans la première génération, la génération des compagnons. Certains vont se distinguer et certains écrits vont commencer à se distinguer. Mais on n'est pas encore dans l'ère des compilations et des livres célèbres. On est bien avant. On est même avant le Muwatta de l'imam Malik. On est bien avant. Déjà, il commence à avoir des écrits. C'est ça qu'il faut savoir. En l'occurrence, parmi ces écrits, c'est ce qu'on appelle Sahifa. Donc certaines choses étaient écrites sur des feuillets, certaines choses étaient écrites à l'époque sur des tablettes ou autres. Parmi As-Sahifa qui était connu, il y avait As-Sahifa Hisham de Hisham ibn Urwa an Abihi an Aisha. Les écrits qui étaient connus où il y avait des récits, c'était connu les récits de Hisham. Hisham qui était le fils de Urwa. Urwa qui était lui-même fils de compagnon. Urwa, c'était le fils de Az-Zubayr ibn al-Awam. Donc, il était fils du célèbre compagnon, et ce compagnon-là faisait partie des 10 annoncés au paradis. Et il était le fils de Asma. Asma, la fille de Abu Bakr. Et lui, Urwa, justement, il rapportait de son père. D'après, Aisha radiallahu ta'ala, donc on a la sahifa de Hisham ibn Urwa an Abihi an Aisha. Déjà à l'époque. Donc je vous répète, la sahifa de Hisham, qui était fils de Urwa, Urwa qui rapportait de son père, Abdallah, et Abdallah de Aisha. Il rapportait de Aisha. Taïb. Et on avait dit qu'Abdallah était le fils de Zubayr ibn al-Awam et de Asma bint Abi Bakr. Et Hisham était l'un des grands savants de son temps. Et il a été considéré parmi l'un des 7 juristes. Al-Fuqaha As-Saba'a, qui sont célèbres. Al-Fuqaha As-Saba'a. Hisham faisait partie de ces 7 grands juristes de la communauté. Et justement, il était le professeur de l'imam Malik. C'est pour cela que certains disent que Urwa était en réalité, on pourrait dire, l'ancêtre du madhab maliki. L'ancêtre du madhab al-maliki. Parmi sahaif, les registres qu'il y a eu déjà dans les premiers temps, il y a eu le registre de Bahz ibn Hakim, un autre homme qui s'appelait Bahz ibn Hakim an Abi an Jaddi. Bahz ibn Hakim, le fils de Hakim, il rapportait d'après son père, d'après son grand-père. On a Abu Hakim ibn Muawiyah min at-tabi'in wa jadduhu sahabi. Alors que son grand-père était un compagnon du prophète, alayhi salatu wa salam. On a le registre aussi, les écrits, les feuillets de qui ? On a les feuillets de Amr ibn Shu'aib, d'un homme qui s'appelait Amr ibn Shu'aib, an Abi, an Jaddi. Et Amr ibn Shu'aib, il s'appelait Amr, c'était le fils de Shu'aib, le fils de Muhammad ibn Sahib Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc regardez, Amr ibn Shu'aib, Amr, c'était le petit-fils de Muhammad. Qui était Muhammad ? Muhammad, c'était le fils de Abdallah ibn Amr ibn al-As, fils de compagnon. Muhammad était le fils du compagnon, c'est-à-dire fils de compagnon et petit-fils de compagnon, puisqu'il y avait Amr ibn al-As. Et il est dit que Muhammad, donc, était le fils de Sahib Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abdallah ibn Amr ibn al-As. Et Amr ibn Shu'aib, donc, il rapportait d'après son père, d'après son grand-père. Et Sahifa hadihi, elle était célèbre. Elle était célèbre et connue. وقال الشيخ وهذا تدوين مبكر للحديث والسنة. Donc ça, c'était une rédaction, l'écriture des hadiths du prophète sallam, qui est venue très tôt. Très tôt de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'était dans le premier siècle. Dans le premier siècle de l'Hégire déjà. On avait déjà ces as-sahaif. لكن كانت هذه الصحائف متفرقة. Mais ce sahaif était un peu éparpillé. Alors est venue une génération. Ceux qui sont venus ensuite, ils ont réuni cela. Ils ont réuni ensuite cela. Donc, il va y avoir ensuite l'époque où des hommes vont apparaître et vont réunir ces récits-là qui ont été rédigés, mais d'une manière, ces sahaïf, ces feuillets-là sont éparpillés, ils vont les réunir. Il va y avoir des grands hommes, mais parmi eux, il y en aura 6 qui seront célèbres. Et les savants disent, et ces 6-là, les chaînes de transmission tourneront autour d'eux. Ces 6 hommes-là qu'on va citer, Cheikh Salah Al-Shir dans sa conférence, il dit que les chaînes de transmission tourneront autour de ces 6 hommes. Et celui qui a fait la mention de ces 6 hommes, c'est un grand imam qui s'appelait Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini, qui était le cheikh de l'imam al-Bukhari. Wa Ali ibn al-Madini, wa huwa al-hafidh al-imam, cheikh l'imam al-Bukhari, tabib al-ilal. Comme dit Cheikh Salah al-Sheikh, il dit tabib al-ilal. يعني علل الأحاديث علي بن المديني يدي جمع العلم ستة il y a 6 qui ont réuni la science فقال ودار العلم عليهم et la science a tourné autour d'eux قال وهم ابن شهاب الزهري le grand imam l'érudit ابن شهاب الزهري والثاني هارون ابن دينار وهو كان في الحجاز et lui il était dans la péninsule arabique والثالث وسليمان المعروف بالأعمش بالأعمش والرابع هو عمر ابن عبد الله السبيغي السبيغي الكوفي et lui عمر ابن عبد الله السبيغي il était dans la région de Al-Kufa et sa cunia c'était Abu Ishaq Abu Ishaq et ensuite le cinquième Qatada Qatada al-Ma'ruf, qui était célèbre, Qatada ibn Da'ama. Et le sixième, Al-Thabt Yahya ibn Abi Kathir. Yahya ibn Abi Kathir. Faqala al-Sheikh, Faha'ula al-Sitta, Jama'u kullama tafarraqa mimma kana qablahum fil qarn al-awwal al-Hijri. Al-Sheikh nous dit que ces 6 hommes-là, il y avait d'autres, hein. Mais ces 6 hommes-là ont été célèbres. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eux, ils ont commencé à réunir tout justement ces sahaïf, ces récits qui étaient dans des feuillets, ces récits qui avaient été mémorisés, ils ont commencé à réunir cela. Jama'u. Fahafidhu, ils ont mémorisé, ils ont appris et ils ont rassemblé. ils ont rassemblé. فقال الشيخ فلذلك إذا أردت فهم الأسانيد وأن تسهل عليك أسانيد الأحاديث في الكتب أن تعرف مرويات هؤلاء الستة وهذه خطوة الأولى في قراءتي لصحيح الإمام البخاري. Vous voyez ce qu'il dit ? Le cheikh ensuite il dit, il dit donc si toi tu veux connaître les chaînes de transmission et tu veux que ça te soit, cette science-là, facilitée, et donc tu veux alors comprendre cela, ce qui est mentionné comme chaîne de transmission dans les livres, alors il dit عليك بفهم ومعرفة مرويات هؤلاء الستة, alors essaie de comprendre, d'apprendre et prends connaissance des versions et ce qu'ont rapporté ces six. Ce qu'ont rapporté ces six. Et il dit même, ça, lorsque tu veux commencer à lire l'authentique de l'imam al-Bukhari, alors sache cela, il dit. Sache ce qu'ont rapporté ces six. Parce que l'ilm, comme disait Ali ibn al-Madini, tourne autour de ces six. Il y en avait d'autres, mais eux se sont distingués et ont été célèbres. Ce qu'on appelle al-Mashahir, al-Sitta, les six célèbres. ثم قال حتى et ce qu'il faut le savoir c'est que ce qu'ils ont appris et ce qu'ils ont transmis c'était vraiment avec maîtrise et exactitude jusqu'à ce qu'il ait rapporté حتى روى أن عمر ابن دينار المكي مكث سنين سنين طويلة في مكة يقري ويروي الحديث قال بعض التابعين هن أو قال بعض التابعين عنه جلسته 500 مجلس ولم يروي لنا فيها إلا مئات حديث وكان في كل 5 مجالس حديث وهذا من شدة تثبته في النقل الحديث حتى يعوه ويفهمه. Un cheikh nous dit tellement que il a apprenaient, écrivaient avec exactitude et maîtrise, alors il est rapporté de celui qu'on a mentionné. Parmi eux, il y a Amr, par exemple, il est rapporté d'un qui dit que Amr ibn Dinar al-Mekki, tellement qu'à l'époque, regardez cette histoire, elle nous dénote qu'à l'époque, un homme s'appelait Amr ibn Dinar al-Mekki. Il est tellement qu'ils apprenaient avec exactitude et maîtrise. Alors ceux qui étaient compagnons et élèves de Amr ibn Dinar le Mekkois, il disait, un parmi eux disait, on a assisté à 500 assises, à près de 500 assises de Amr ibn Dinar al-Mekki. Et à travers ces 500 assises, donc celui qui dit ça, il dit, je suis resté, je me suis assis à près de 500 assises de ce savant-là. Et il nous a rapporté, dans ces 500 assises-là, on n'a appris qu'une centaine de hadiths. Qu'une centaine de hadiths. Il disait, tous les 5 assises, à chaque 5 assises, un hadith. Wala akthar, et pas plus. Un hadith. 5 assises pour un hadith. Et ça, Cheikh Salah al-Sheikh, lorsqu'il mentionne cela, c'est pour montrer que lorsqu'il transmettait, c'était bidikka. Ça sous-entend l'exactitude. Et ils enseignaient cela à leurs élèves. C'est pour ça que tout ce qui était mémorisé, tout ce qui était enseigné, tout ce qui était rédigé, c'était avec maîtrise et exactitude. Adam ? Mazal ? Ces six-là, قال فكلهم مات ما بين المئة والعشرين et tous ceux-là ils sont morts plutôt ils sont tous morts entre ما بين المئة والعشرين والمئة والثلاثين الهجري ils sont tous morts entre l'année 120 de l'Hégire et l'année 130 entre le 120 et 130 de l'Hégire donc on est au début du deuxième siècle donc ces six là ils sont tous décédés ils sont tous morts après les années 120 de l'Hégire. Donc vous avez vu déjà, al-ilm intashar. La science était déjà diffusée, il y a déjà des écrits. Où il y a le rassemblement hein, des différentes traditions du prophète, alayhi salatu wa salam. Sauf parmi ces six, le seul qui est mort plus tard, à peu près en 145 de l'Hégire, c'est l'Armesh. C'est Suleyman al-Armesh. C'est lui qui est mort après les 130 de l'Hégire. Fadal. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة Et donc ensuite, les savants nous disent donc c'est après l'ère, au début du deuxième siècle, après les 120 de l'Hégire, c'est après cette ère-là que viendront des grands imams, des grands savants qui vont faciliter l'apprentissage et le savoir, qui vont faciliter. Et ça va commencer, on appelle ça l'ère du at-tasnif. Wajaa at-tasnif, le fait de rédiger à présent des livres. Donc c'est après, c'est au début du deuxième siècle, après les années 120, c'est là que va venir l'ère de at-tasnif, tasnif al-kutub. C'est-à-dire qu'au départ, comme on a dit, c'était dans des feuillets. C'était écrit, fait as-sahaif. Et tout à l'heure, on a oublié de mentionner une sahifa qui était célèbre, une sahifa déjà à l'époque, qui était célèbre, c'est-à-dire, c'était des feuillets où il y avait déjà des hadiths du prophète ensemble qui étaient écrits avec exactitude. C'est une sahifa qui est célèbre, c'est celle de Hammam ibn Munabbih, qui apprenait les hadiths directement de Abu Huraira. Directement. C'était un de ses élèves, et lui, il apprenait et mémorisait, et il est rapporté, cette sahifa, elle est authentique et existante, sahifa Hammam ibn Munabbih, qui est célèbre. Donc, et lui, il a commencé à rédiger. Et il est dit que dans cette sahifa, dans ses feuillets, il a été conservé à peu près 140 hadiths. 140 hadiths qu'il a entendu directement, qu'il a appris directement de Abu Huraira. Ce qui prouve qu'il y avait, à l'époque, regardez, les récits ont déjà été, il y a eu déjà la rédaction et l'écriture déjà des récits. Et c'est son célèbre élève, Ma'mar ibn Rashid, qui va justement rapporter cela de son shir, qui était, comme on a dit, Hammam ibn Munabbih, an Abi Huraira, radiallahu ta'ala, an. Et c'est pour cela que vous avez vu donc ce qu'on appelle Tadwin al-Hadith, والسنة, cette rédaction-là du hadith et de sunna, s'est fait très tôt. C'est fait dans les premiers siècles. Donc comme on l'a dit, c'est à la fin ensuite, à la fin de l'ère de ces six qu'on a cités précédemment, ensuite après les années 120 de l'Hégire, hein, début du deuxième siècle, c'est là que va commencer l'ère de Tosnif. Tosnif, commencer à rédiger des livres, et là ensuite, plus tard, il y aura ensuite, comme par exemple la rédaction de Al-Muwatta, de l'imam Malik, rahimahullah, et ensuite il y aura la rédaction de ce qu'on appelle Al-Masanid, Kutub, Al-Masanid, ou Al-Jawami', ces livres de recueil qui sont des compilations de hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Et après, avec le temps ensuite, il va y avoir ensuite l'émergence aussi de grands imams de cette communauté ensuite, qui vont faire un travail de vérification, qui vont faire un travail de confirmation, qui vont compiler, recueillir, voyager dans le monde entier, et cette science va se propager dans toutes les contrées musulmanes, de la Mecque à Médine, en Irak, au Chem, surtout au Chem à l'époque, puisque le Chem, c'était là qu'il y avait la terre de, où il y avait la dynastie, l'empire Omeyyade à l'époque, et c'est même à l'ère de l'empire Omeyyade, par exemple, que l'un des grands califes célèbres, l'un des grands imams et califes célèbres qui était Omar ibn Abdelaziz, cet homme pieux et vertueux, rahimahullah, c'est lui ensuite qui ordonnera à Zuhri de commencer à écrire et de rédiger, justement. Donc voilà, c'était un résumé, c'était un rappel sur ce grand patrimoine, sur cette science, sur cette gloire, sur ce succès, sur ce triomphe qu'a connu cette communauté dans la rédaction, la préservation, la protection de la tradition de notre bien-aimé le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. علينا الآن أن نوى الآن بالتمسك فما بقي لنا إلا بالتمسك بالكتاب والسنة كما قال الإمام ابن أبي داود في الحياة تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح علينا بالتمسك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا على هذا الدين أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة وأن يجعل هذا أو هذه الكلمات في حسناتنا ونحمد الله ونسأل الله جل وعلا أن يرحمنا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك